Miséricorde dans le sang, miséricorde dans le crâne, miséricorde jusqu'aux couilles, fils de chien, je prends le large. Miséricorde dans le sang, miséricorde dans le crâne, miséricorde jusqu'aux couilles, fils de chien, je prends le large. J'ai vu mon nom sur une pierre tombale au cimetière. Je crois que je vais régner les morts aux langues de vipère. Tu repars en civière, bah ouais connard, tu m'as enterré trop tôt. J'ai connu la défaite qu'aujourd'hui je compte aller trop haut. Faut tranchant, bat trip, haut gamme, autour à la base. Je flirte avec un couteau pour torturer tous ces PD à la nage. Combien m'ont dit d'arrêter, pourtant je porte toujours mes couilles. C'est bizarre, me pisser des pics, fils de pute, je te dépouille. Les poules mouillées commencent à trembler, ils sont sur des sièges éjectables. Tu vends ton pardon en toc, t'es mal placé car je suis respectable. J'ai pacté avec la douleur pour vous égorger sur place. Ferme ta gueule avant que je te baise ta race. Ça sent l'huile sur le bitume, je reviens baiser ton classique. 2011 sera la résurrection, demande à sarcastique. Arrête de te foutre à poil quand t'as rien dans le ventre. C'est facile de me tirer mais je suis là pour t'offrir ma propre pente. Tu croyais quoi, bâtard? Le masque noir restera magique, je suis l'ego à abattre. Personne n'arrive à ma cheville, fils de pute, je connais très bien ma vie. Miséricorde dans le sang, miséricorde dans le crâne, miséricorde jusqu'aux couilles, fils de chien, je prends le large. Miséricorde dans le sang, miséricorde dans le crâne, miséricorde jusqu'aux couilles, fils de chien, je prends le large. C'est l'heure de la vendetta sur cette piste. Tu en demandes à la fin du titre car tu aimes cette piste. Miséricorde dans le sang, miséricorde dans le crâne. Même Jésus ne veut pas de moi car j'ai bousillé son âme. Y'a pas l'acte de décès, va réviser ton testament. Le public en redemande, je reviens pour eux spécialement. Lave-toi la langue qui schlingue l'odeur de la merde. Je te jure tu fais pitié sur la tête de Noël ma mère. Je tombe dans le vide, c'est pour me relever car la mort n'est pas à l'heure. Normal je suis responsable, je suis qu'une ordure de la peur. Les rappeurs me font chier quand j'entends les trois gars se noyer dans la piste. Bientôt y aura un bâtard qui s'appellera MC Fetas à la kiss. J'ai 5 doigts, mon préféré n'est pas l'index ni le pouce. Je suis majeur, cela prouve que je te pousse. Aucun ordre à recevoir de toi, baisse tes paroles. Tous les chemins ne mènent pas forcément à Rome. Mon rap c'est comme une montagne russe, sauf qu'il est pimenté. Si tu le trouves froid, il est sorti de la maison hantée. Comprenez-moi qu'il est important de pisser sur le territoire. Tu crois que j'ai de la joie, mais il est dérisoire. Miséricorde dans le sang, miséricorde dans le crâne, miséricorde jusqu'aux couilles, fils de chien, je prends le large. Miséricorde dans le sang, miséricorde dans le crâne, miséricorde jusqu'aux couilles, fils de chien, je prends le large. C'est l'heure de la vendetta sur cette piste. Tu en redemandes à la fin du titre car tu aimes cette piste. Miséricorde dans le sang, miséricorde dans le crâne. Même Jésus ne veut pas de moi car j'ai bousillé son âme. Je ne suis que le diable en personne, donne-moi la main. Que je t'emmène dans l'ombre d'un grand larcin. Je ne suis que le meilleur de moi-même face aux démons. C'est sûr que tu as trouvé de l'acide sur toutes les démos. Butez-moi si vous le pouvez, je vous donne carte blanche. En guise de récompense, je vous incite à cracher sur la France. Je ne suis que le mauvais exemple, je t'influence sur ta tentative de meurtre. J'ai vu que le vent arrive à l'heure, au point où j'en suis. Je vais là où on ne m'attend pas. J'en ai marre de tout et je tombe en bas. Jusqu'où la chute va m'emmener, je n'en sais rien. Le beat est conçu pour durer et s'écraser dans le bien. Je vous dis adieu mes chers frères et sœurs. Regardez-moi tomber dans l'air sans les pleurs. Miséricorde, miséricorde, tel est mon désordre. Je suis au-dessus des lois car j'ai brûlé tes ordres. Miséricorde dans le sang, miséricorde dans le crâne, miséricorde jusqu'aux couilles, fils de chien, je prends le large. Miséricorde dans le sang, miséricorde dans le crâne, miséricorde jusqu'aux couilles, fils de chien, je prends le large. C'est l'heure de la vendetta sur cette piste. Tu en redemandes à la fin du titre car tu aimes cette piste. Miséricorde dans le sang, miséricorde dans le crâne. Même Jésus ne veut pas de moi car j'ai bousillé son âme.